Je suis avec trois des quatre membres d'Orob, groupe toulousain. Salut les gars, merci d'être venus pour me parler un peu de vous, de votre nouvelle EP, de tout ça. Salut. je voudrais qu'on commence tout de suite par la question la plus classique, mais c'est quoi un peu l'histoire de votre groupe comment vous vous êtes formé qui est-ce que vous avez récupéré sur le chemin? Tout ça. on est un groupe originaire, notre cœur est à Toulouse, mais à la base on s'est formé un petit peu au nord, dans le coin de Montauban. Et on a un groupe qui a un petit peu de recompteur, j'ai envie de dire. On a commencé notre première démo en 2010, et grâce à ça, on a commencé à agréger des gens autour de nous. C'était à l'époque de MySpace, et oui, jadis. Et donc, chemin faisant, on s'est très vite délocalisé sur Toulouse. On a stabilisé notre line-up autour de membres qui étaient ici dans notre entourage très proche. On n'avait plus de gens qui venaient de loin, c'était que des Toulousains. Il y avait Andrea à la guitare et Johan à la batterie. Ça a été notre line-up de notre période, on va dire, la plus longue à Toulouse. Mm-hmm. Donc ensuite, on a sorti des EP, on a fait des albums, et il y a eu une pause avec le Covid et avec un album qui a mis beaucoup de temps à sortir. Et ensuite, nous avons recruté ces messieurs ici présents. C'est nous. qui jouent dans d'autres projets. J'ai vu ça. Et qui sont avec nous depuis 2023. Voilà, j'espère que c'était pas trop déconstruit comme. Non, c'est plutôt. T'as plutôt été direct. C'est bien. C'est bien. Tu peux me rappeler la date de la sortie de votre album? Juste. Alors, pour recadrer le. Notre dernier EP ou l'album? L'album avant. Alors, l'album avant, c'est 2021. C'était le 14 décembre 2021. Album qui s'appelle Aube Noire. Mm-hmm. Et qui était un très long projet. On a commencé à composer les premiers riffs, je crois, en 2013 ou 2014. C'est vraiment très vieux. On a fait beaucoup de pré-prod. On a eu des histoires maudites pour réussir à enregistrer. Il y a eu des blessures, il y a eu des retards de plusieurs mois, voire années pour cet album. Ensuite, on a eu différentes galères, dont le Covid qui est tombé là-dessus. Et puis, c'est en plein milieu du Covid qu'on a dit, allez, on le sort et advienne que pourra. Donc ça, ouais, ça date de 2021, notre dernier album. Ok. Donc finalement, ce nouvel EP, c'est un peu déjà le temps de se remettre au travail et aussi le temps de retravailler avec des nouvelles personnes. Exactement. Ouais. Par exemple, je sais pas si tu veux parler comment on a bossé sur la batterie, mais ça change pas mal de ce qu'on faisait avant. Là, c'est un nouveau line-up. Oui, globalement. Rotoma m'a envoyé des morceaux en drumless et je faisais ce qui me venait, et après on échangeait comme ça. Moi j'ai une batterie électronique, donc on pouvait faire enregistrer des prises propres et on s'échangeait les morceaux comme ça, où il disait ça pourrait être j'aimerais bien garder l'état d'esprit de base, ou alors on prend cette nouvelle idée. Mais par exemple sur Sulfur, si je dis pas de bêtises, à la base c'est censé être beaucoup moins black, parce que c'est juste que moi, en entendant le morceau, ce qui m'est venu, c'est un blast, et voilà. Ouais. je pense que ce qui change un peu, c'est qu'avant, on était un groupe de salles de répète. Comme je dis, on était tous à Toulouse. On était même en colocation avec Pierre-Henri, le bassiste, moi, et Andrea, le guitariste de l'époque. On était en coloc, il y avait juste le... Il manquait notre batteur qui n'était pas avec nous. Mais du coup, on était très proches, très soudés. Quand il fallait parler d'une idée de riff, c'était juste aller dans le salon et dire écoute, ça peut être sympa. Là, c'est assez différent, notamment parce qu'on est plus tous à Toulouse même. On a vous deux là qui êtes à Toulouse, et puis nous, on vient répéter à Toulouse, on gravite autour de Toulouse, mais on n'y est pas tout le temps. Donc, on a trouvé d'autres méthodes de composition. Et surtout, comme tu dis, à la base, les compositions de l'EP, elles étaient pensées pour être beaucoup plus rock, beaucoup plus lourde, justement avec des inspirations plus gothique metal, doom metal, des choses comme ça. Et puis du sang neuf est arrivé, et puis voilà, on se retrouve avec des influences plus metal, toi par ta batterie, et toi plutôt post, en tout cas des éléments qui sont pas forcément ce qu'on aurait fait nous. L'ancienne mouture de Rob. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que vous avez quand même une vraie évolution entre votre album et votre EP. Et là, sur votre EP, vous avez quand même un côté très black progressif, presque, ce qui est quand même un style très très niche, parce que du black prog, là comme ça, tu vois, j'arrive même pas à citer un groupe vraiment majeur. Du coup, à quel moment vous vous êtes dit c'est ça, ou alors ça c'est peut-être plus naturellement finalement ça, ce mélange. En fait, je crois que le plan, c'est que je suis tombé dans la marmite Enslaved très jeune, qui s'il doit y en avoir un, ce serait lui, même s'ils ont un côté viking qu'on n'a pas du tout. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je m'arrête trop, peut-être trop au viking pour prendre le prog black dessus. C'est le côté prog que je vais chercher plus que le côté viking chez eux, mais c'est une des très très grosses influences de notre musique. Et je pense que c'est en écoutant beaucoup Enslaved, moi, ça m'a vraiment marqué fortement quand j'étais jeune. D'entendre en fait une musique qui était très bizarre, très déstructurée, très c'est très bizarre. Enslaved, ils ont vraiment des façons de construire les morceaux qui sont chelous, et on a un peu pris ça. Je pense que c'est ça notre côté prog, parce qu'on fait pas du prog, t'en parles souvent, on fait pas du Dream Theater ou des choses comme ça, on n'est pas en train de faire des structures très complexes, des patterns rythmiques très compliqués. On a des structures bizarres, ce qui fait le côté prog, et ça, on a du mal à s'en départir, enfin ça nous plaît. Mais il n'y a rien de prog, de très technique ou quoi que ce soit après dans la musique. C'est un groupe que on pourrait citer aussi, qu'on en parle un petit peu en ce moment tous ensemble, mais c'est plus dans la catégorie prog death, mais à Kharkov par exemple aussi, où il y a des ressemblances frappantes avec des structures qui passent un peu, pas d'un genre à l'autre, mais des fois... des cassures. Si, en fait, carrément d'un genre à l'autre. Mais d'un genre à l'autre, mais des cassures aussi. C'est surtout le côté cassure que je vais mettre en avant, qu'on a pas mal, et qui peut s'apparenter, qui peut se rapprocher du coup du côté plus prog qu'on a, quoi. Oui, je pense. Je suis carrément d'accord. Ouais. Bah, en même temps, j'ai envie de vous dire que la scène toulousaine est très propice au style un peu expérimentaux. Je citerai là comme ça Sulfator, qui fait du trash prog par exemple, ou encore Plebian, dont on parlait, qui fait carrément de metal expérimental. Tu pars un peu plus loin, t'as Kravboka qui fait un punk un peu indus, un peu rap, ou même les premiers Psycup. On a à Toulouse, on a plein de groupes qui sont quand même dans la recherche de quelque chose de différent. Est-ce que ça vous inspire, mais au moins est-ce que ça vous fait plaisir de faire partie de ce courant de personnes qui essaient d'expérimenter, quoi. Carrément. Nous, en fait, c'est des gens qu'on a côtoyés et qu'on côtoie encore quand on revient à Toulouse. Tous ces groupes, en fait, un peu fusion, la fusion toulousaine, un peu. Alors vous êtes un peu des néo-toulousains, non, ça fait quelques temps, mais toi, t'es pas depuis très longtemps à Toulouse. Je suis un peu un néo-toulousain, moi. On est un petit peu arrivé en même temps avec Vincent à Toulouse, parce que nous, de base, on est de Montpellier, et on s'est exilé à Toulouse pour diverses raisons, mais voilà, quoi. Bah, en fait, c'est, en tout cas, avec Pierre-Henri, le bassiste, et on va dire un des plus anciens membres du groupe, en fait, on a vraiment fait nos armes musicales ici à Toulouse, en voyant tous ces groupes, tu vois. Je sais pas, moi, je pense à, je cite les légendes, mais genre Drawers, qui n'existe plus, mais on était super chaud, Erin Nondae, tout ça, enfin tout ce genre de groupes très fusion, très moi j'aime bien ce qu'il y avait, et c'est toujours le cas, mais une scène assez protéiforme. Il y avait une sorte de petite bulle à Toulouse de trucs assez uniques, et ouais, je pense que je crois qu'on en fait pas partie vraiment, dans le sens où on fait du black, donc le black c'est un peu spécial, mais ça nous a clairement, ça a coloré nos visions, parce que quand on allait au Saint-Dessin, quand on allait à la Dynamo et qu'on voyait des groupes super originaux, des trucs de post qui se mélangeaient avec des trucs plus extrêmes et tout, forcément ça nous marque culturellement, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis faut rappeler qu'avec Baptiste on est dans Opprobre. C'est du black progressif, un autre type de black progressif, mais c'est, et pour le coup là il y a des beaucoup plus post, mais quand même et puis là pour le coup t'as beaucoup plus progressif, dans le sens avec des structures, des rythmiques un peu bizarres, genre du 7-8 partout, des trucs comme ça. Pas mal, jusqu'à 13-8 d'ailleurs, bref, mais du coup on est habitué à ces trucs là et limite pour moi Europe c'est pas tant progressif que ça, donc pas un même genre de progressif, voilà, c'est ça. Mais on aime bien les trucs un peu progressifs, un peu bizarres, en gros. Les fusions, le truc de fusion, on kiffe bien, carrément. Je pense tous, dans le groupe, on est carrément fans de ça, quoi. On en parlait aussi un petit peu en off là, avant de démarrer. Vous citez Paradise Lost comme une très grosse influence. Paradise Lost, c'est un groupe qui a été capable de faire des albums très très différents d'un à l'autre. Est-ce que c'est aussi, est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous donne aussi envie de d'aller chercher à chaque fois à vous renouveler un peu dans la même idée de ce qu'ils ont pu faire? Je crois que oui, clairement, en fait, on est en train de réfléchir avec toi là, à se faire un. On a plein de choses qu'on aime, mm-hmm. plein de textures qu'on aime, plein de d'ambiances qui sont pas forcément ce qu'il y a dans nos albums. Parce que là, l'EP, il est certes différent de l'album, mais on l'a composé assez rapidement parce qu'on voulait se relancer, on voulait apprendre à composer ensemble. Et il y a des sortes d'automatismes qu'on a repris et on est très content de l'EP, il est super cool. Mais on se dit, pour un album qui vient, on aimerait bien peut-être colorer autrement. Et du coup, on est en train de réfléchir à se faire un grand board de références, de pas juste laisser venir les choses, mais de se dire, nous, on veut mettre ça, et pas juste d'essayer à l'aveugle de méthodiser un petit peu. Okay. Je sais pas si ça se dit trop, mais de cocher des cases, quoi. Pour essayer de produire des choses un peu différentes. Oui. Avoir un processus créatif au final. Ah, c'est donc ça. Et oui, ah, okay. Non, pas mal. Non, mais c'est intéressant cette façon de voir les choses, parce que beaucoup quand même disent on crée en fonction de ce qui nous vient sur le moment, on veut pas se forcer à rentrer dans telle ou telle case parce qu'on aime ça ou ça. Là, vous avez là un peu le cheminement inverse de vous dire on adore toutes ces choses-là et on aimerait arriver à les rentrer. C'est intéressant, justement. De... Ouais, pas totalement, j'ai envie de dire. Parce que je trouve que le côté un petit peu, pas authentique, mais spontané de quand tu composes des trucs est super important et super cool. Parce que du coup, c'est là. Mais c'est à la fois un peu piégeur parce que je pense que c'est aussi là que peuvent arriver des trucs qui ressemblent à d'autres choses beaucoup. Parce que tu vas régurgiter des trucs que tu as. Pas mal absorbé quoi, avec toutes ces écoutes et tout ça. Du coup tu peux pas faire gaffe et sortir des trucs, alors que je pense que si tu fais un mélange des deux un petit peu, de doser un petit peu habilement entre spontanéité et un truc un peu plus réfléchi, un truc ça, tu peux arriver à quelque chose qui est un peu plus authentique peut-être et plus unique. Moi, c'est l'approche que j'aurais, en tout cas. Ouais, puis ça fait longtemps qu'on compose, en fait. On n'a pas sorti beaucoup d'albums, justement, parce qu'on a eu quelques ratés, là, sur, justement, le premier album qui a mis beaucoup de temps à sortir, mais ça fait longtemps qu'on compose, particulièrement avec Pierre-Henri. On compose ensemble depuis 2010, 2011, quelque chose comme ça. Et du coup, on commence à vraiment se connaître tellement bien, en tout cas avec lui. Et puis avec vous, ça commence à être très très bien aussi, parce que depuis 2023, on a vachement joué, vachement expérimenté. Mais il y a un truc où là, il faut aller au-delà de juste voir ce qui vient. Et c'est très très conscientisé, très cérébral. Déjà, tous là, on se pose des questions, mais notre bassiste, il est très très chaud de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire. Mais ça va de la compo à juste choisir la setlist, comment on articule nos morceaux et tout. Donc il y a un côté où, sans tuer la spontanéité, il faut quand même essayer de savoir où on va. Voilà. Ok, bah c'est très intéressant. Je vais vous poser une dernière question sur cet EP avant de parler un peu des à côté un peu plus. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la thématique que vous avez voulu aborder dans cet EP, vu qu'il faut tout intellectualiser On sait faire. Ouais, bah alors. On va te laisser faire aussi. ouais, bah du coup, l'EP, en gros. Il s'inscrit un peu dans une sorte de, pas de contre-proposition à ce qu'on a fait dans notre album Aube Noire, mais il est plus peut-être énervé, plus triste, il est plus dans le monde aussi que notre ancien album, parce que l'album qu'on a écrit, on l'a écrit il y a super longtemps, on était assez jeunes, on avait moins vécu, et on avait beaucoup d'idées très philosophiques. C'est un concept album avec beaucoup de ramifications, on a créé tout un univers avec des lieux, des choses, et tout ça pour à la fin parler, j'ai envie de dire, un peu d'écologie, un petit peu de domination. Enfin, nos thèmes généralement, c'est les thèmes un peu d'angoisse existentielle, mais aussi des thèmes sur la domination de l'homme sur la nature et sur les autres personnes et choses qu'il y a autour de lui, d'un sujet humain dominant, quoi. Et là, en gros, on l'a pris d'une façon plus personnelle, plus... C'est pas un truc philosophique où on regarde de loin le monde en disant... on observe ça et ce sont les mécanismes qu'on traduit par nos sortes de poèmes un peu mystiques. Là, on a juste dit on est vénère, on est triste, et on va le sortir dans un truc plus énergique et plus direct. Donc je pense qu'on pourrait placer les deux premiers morceaux de l'EP dans un thème beaucoup plus, on va dire, énervé sur le monde, sur le fait que c'est pas marrant, en fait, de voir tous les problèmes qu'il y a autour de nous. Je sais pas, on peut parler d'écologie, mais on peut parler juste du fait que c'est un peu la grisaille tous les matins quand tu te pointes pour aller faire un travail, le métro, les trucs. Enfin, y a un petit côté un peu désillusion du monde autour de nous. Et ça, c'est parce qu'on a vieilli et qu'on a les boules. Et ensuite, le morceau Sulfur Baptism, il est plus sur comment on fait pour sortir de ça en se retrouvant pour faire de la création hors des cadres, en quelque sorte. Et puis ensuite, on a le dernier morceau qui est purement une petite décharge d'angoisse existentielle sur qu'est-ce que c'est d'être un être humain à un moment précis et dans l'immensité du temps et des choses et de tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc voilà, c'est un peu ça les thèmes de l'EP qui sont moins marrants peut-être que l'album, en tout cas moins éthérés, plus direct. Ouais. plus proche d'une réalité. Ouais. Plus ancré dans le réel. Plus ancré dans le réel, et on se pose des questions pour la suite de faire peut-être encore plus, d'y aller encore plus franco. On verra si ça reste comme ça, mais c'est un peu notre objectif. Ok. Alors avant de parler de date, justement, on va parler de la suite. Qu'est-ce que vous envisagez à court moyen terme pour le groupe, en fait? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme direction à votre groupe là, sur, on va dire, sur 2-3 ans déjà, parce que 5 ans, ça, c'est une éternité, en même temps c'est de même, mais du coup, peut-être je parle de... On peut dire ce qu'on va faire. Bah, vas-y, dis, je vais découvrir. Tu diras si on coupe. Quoi, il quitte le groupe? Non, le but, là, pour nous, déjà à court terme, là, on va défendre l'EP un petit peu, pas mal même, oui, sur pas mal de dates, quelques-unes à Toulouse, quelques-unes dans la région et tout ça. On en parle juste après, bah, parfait. Je le refais du coup. On va défendre là l'EP prochainement sur quelques dates. L'objectif pour nous, ce serait d'embrayer assez rapidement finalement sur un nouvel album. Pas un EP du coup, un album. Un nouveau long titre, on dit ça? Un album, c'est bien. Un nouvel album, du coup, on est en train d'un peu de réfléchir. Pour l'instant, on fait que de les ébauches, on va dire, de ça. Il y a rien de. Je dirais qu'on a aucun vrai morceau. Ah si, on a plein de morceaux. Je refuse, monsieur. De côté, tu as plein de morceaux, dire de choses qu'on a fait ensemble. Pour l'instant, on n'a pas encore construit un truc ensemble sur ce côté-là. Pour un nouveau truc, quoi. En fait, c'est prévu et ça voudrait qu'on arrive aussi. Ça faudrait que ça arrive assez vite. Ouais, en fait, on remplit une boîte à riffs. Juste pour comment ça s'est embrayé sur cette EP, on a eu du bol parce qu'on est tombé sur le label Lord Ali Noir, qui est un label nantais. J'espère que je te grille pas des questions. Non. C'est un label nantais super cool qui ont assez vite répondu quand on a envoyé l'EP. Et nous, on était assez vite chaud parce qu'on a écouté les autres groupes qui étaient. Vraiment dans notre veine un petit peu, il y a beaucoup de black metal, pas que, mais il y a beaucoup de black un peu avec un twist un peu original, soit prog, soit psychédélique, un peu doom, et ça nous a vachement parlé. Et du coup, là, le but, c'est déjà de profiter du fait qu'un label nous accompagne, parce que c'était pas le cas pour les précédentes sorties. Donc on veut profiter de ça pour tourner au plus possible, essayer d'en faire un succès de leur côté et du nôtre. Et oui, ensuite, on va très vite embrayer sur la sortie de l'EP, la composition d'un album qui, on espère, va sortir un peu plus vite parce qu'on n'est pas connu pour sortir rapidement nos albums. Et là, l'idée, c'est d'embrayer assez vite, quoi. Je veux pas nous mettre la poisse, mais si on pouvait commencer la compo très sérieusement en 2026, fin 2026, début 2027, pour avoir quelque chose de prêt dans les années qui suivent. En gros, il faut pas qu'on sorte comme... Elder Scrolls 6, quoi. On va essayer. Il y a une ref à Elder Scrolls 6, là. J'ai fait ça. Ah, et l'odeur. Ok. Du coup, ma dernière question, c'est de parler un peu des dates qui sont à venir, justement, pour défendre cette EP. Alors, j'ai vu aujourd'hui que vous aviez une très belle date avec 7 à Toulouse, à La Cabane. Grosse salle, très grosse salle. J'avoue avoir été surpris quand j'ai vu que Seth allait faire la cabane, mais j'espère que ça sera plein. Je le souhaite aussi. je souhaite à tout le monde, vraiment. Voilà, est-ce que vous voulez parler un peu de cette date-là et est-ce que vous voulez nous parler un peu de toutes les autres dates que vous allez essayer de faire? Enfin, toutes. Pas besoin de rentrer forcément dans le détail, mais non, la globalité. Jusqu'à 2029, là. Ah bah, on va tout faire. c'est un super plan. une asso en plus assez récente qui se monte. Et là, évidemment, maintenant, ça m'échappe alors que on en parlait tout à l'heure. D'Archive, voilà, qui sont montés. Et c'est quelqu'un avec qui on avait joué dans le temps qui nous a recontacté en nous demandant ça vous intéresse un plan peut-être à Toulouse? Oui, pourquoi pas. Puis en fait, c'était ça le plan. Nous, on était un peu. Ah bah cool. Ah bah oui. Oui, c'est un sacré plan. On est super content de cette invitation. C'est vraiment très très cool. Et on a hâte, vraiment très très hâte de jouer avec Seth. Bon, vous connaissez. Mais. Pour l'anecdote, on a joué avec Seth, mais avec Opprobre, donc notre groupe, mais il y a 2 mois. Quoi. Ah oui, ok. Ouais, en novembre, ouais, voilà. Par contre, c'était à Colmar, c'était pas à côté, mais voilà. Ok, oui. Bah, du coup, on est. Bon, vous connaissez, et nous, on est très très chaud pour les deux autres de faire cette date. On a aussi, pour les gens qui ont envie de bouger de Toulouse, ou pour les Ariégeois, le festival Agony Metal Night, je crois que c'est ça, qui est organisé par la marque Agony Clothing à Pamiers le 18 avril. Et donc on va jouer là avec des groupes super cool comme Verdun. Ouais, il y a Verdun, il y a Alchemia, il y a Oppression, il y a Severed Soul, truc de death d'Ariège aussi qui a l'air bien cool. Donc on est très très chaud. Après ça, Odon aussi. Ouais, il y a Odon en plus. Oui, ouais, clairement il y a Odon. Après ça, on a des petites dates, pas des choses encore trop annoncées, mais on va jouer à Angers, et on est en train de préparer avec un groupe pas encore annoncé une petite tournée pour faire Bordeaux, Bayonne et le nord de l'Espagne en septembre. Donc voilà, on est en train d'essayer de se bouger pour que le pays soit écouté, que ça tourne, qu'on porte nos couleurs et voilà, book us. Ok, non mais c'est... Pardon. Non, c'est super bien, vous avez déjà plein de dates. Enfin, quand je vois le nombre de personnes qui me disent « les dates, on galère », c'est cool. Là, vous êtes là sur le bon créneau. Après, c'est parti. Il y a une réalité, c'est qu'on en parle avec les autres groupes qui, eux aussi, galèrent à jouer et tout. En fait, on organise beaucoup. On s'est équipé en matos pour pouvoir, en partie, accueillir, même dans des salles où il n'y a pas tout le matériel et tout. On organise beaucoup nous-mêmes, on fait un petit peu du do-it-yourself parce que c'est beaucoup moins facile qu'avant de jouer, de faire des belles scènes et tout. Donc là, on fait advenir les choses par nous-mêmes un petit peu. C'est cool, mais c'est fatigant. Clairement, on préférerait arriver et juste jouer notre musique et se concentrer à 300% sur faire le meilleur concert. Mais en attendant, c'est vrai qu'une des options aujourd'hui pour jouer, c'est juste se retrousser les manches, organiser les plans. Mais ça oblige à penser à des tas de choses, quoi. Finalement... faire à la fois le travail un petit peu d'accueil, d'assaut, du truc comme ça, c'est autre chose. Mais c'est un peu la méta dans laquelle on est aujourd'hui, hélas. Ouais. Okay. Mais c'est cool, on est content de jouer à plein d'endroits, et puis le do-it-yourself, ça marche aussi. C'est cool. Génial. Écoutez, moi j'ai fini avec mes questions. Si j'ai oublié d'évoquer quelque chose de très important, je vous donne la parole, il n'y a pas de souci, vous pouvez compléter. Je ne sais pas. Je vais juste en profiter pour remercier les gens qui ont permis à cette EP d'advenir. Je pense à Roman Lucille Draus qui nous a fait un artwork impeccable pour l'EP. Vraiment, c'est du fait sur mesure par rapport au concept de l'EP. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais qui est beau. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il est beau. Content qu'il t'ait plu. Ouais. Et c'était du painting. Vraiment, on a demandé les thèmes et tout. C'était un super process. Et puis pareil, big up au studio qui nous a enregistré, c'est Dismal Sound à Albi qui nous a fait un son de fou. Et puis bien sûr aussi un énorme merci à Lord Alinoir d'avoir cru dans ce projet, et c'est un label à suivre. Voilà. Pour moi. Et merci à toi. Merci à vous. Merci.